Essai sur l'histoire de Concarneau avec un plan de Concarneau et ses environs au XVIIIe siècle par Julien Trévédy. Chapitre 1. Origine et nom de Concarneau. La plupart des villes aussi anciennes que Concarneau sont mal instruites de leurs origines. Par un enviable et rare privilège, Concarneau saurait-il le nom de son fondateur et la date précise de sa fondation ? Oui, si nous en croyons certains auteurs. Vers 1775, Auger écrivait à propos de Concarneau « Nous avons peu de choses à dire sur cette ville, ses archives ayant été si mal tenues autrefois qu'elles n'ont presque rien laissé d'intéressant. Mais, ajoute-t-il, le maire, M. Belot, a bien voulu nous aider de ses lumières. » Et instruit par le maire, il écrit « Concar, fils d'Urbien, qui était en concurrence avec Gralon, fils d'Alain II, pour la souveraineté de la Bretagne, jeta, l'an 692, les premiers fondements de Concernos ou Concarneau, dans l'île de Cung, ou autrement Conc, qu'il avait conquise sur les Pictes, peuple barbare. Voilà donc la date précise de la fondation, 692, et le nom du fondateur retentissant comme le son du clairon, Concar. Les mots « concurrence pour la souveraineté de la Bretagne » nous renvoient aux listes des prétendus rois successeurs du fabuleux Conan Mériadec. Or, le beau Bouchard d'Argentré ne comprennent pas le nom de Concar dans ces dynasties. Mais dans leur liste des comtes de Cornouailles, les cartulaires de l'église de Quimper, de l'abbaye de Landévennec et de celle de Sainte-Croix à Quimperlé mentionnent deux Concar. Le premier est nommé comme prédécesseur du roi Gralon le Grand, qui dormait dans sa tombe à Landévennec près de deux siècles avant la date donnée par Auger. Il ne peut donc s'agir que du second, septième successeur du premier. Dom Maurice a donné place au second Concar dans son histoire de Bretagne. Il le nomme Concar ou Urbon, et voici ce qu'il en dit. En 691, après la mort d'Alain II, les François s'emparèrent des villes de Nantes, Rennes, Dole et Alette. Gralon, fils d'Alain, dépouillé d'une partie considérable de ses états, n'eut plus les moyens de soutenir le titre de roi que ses quatre prédécesseurs avaient porté. Il se borna à celui de comte de Cornouailles, qui était son premier titre. On ne sait même s'il ne fut pas obligé de partager ce qui restoit de la Bretagne avec Urbon, autrement dit Concar ou Coronenos, fils d'Urbien, son cousin germain, que les François protégeaient. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces deux branches paraissent en concurrence et se disputent la souveraineté. Rien dans cette phrase de Concarneau, et rien non plus des Pictes. La vérité est que les Pictes ou Saxons n'étaient plus là, et depuis longtemps. C'est au milieu du Ve siècle que ces barbares, précurseurs des Normands, ravagèrent les rivages de l'Armorique, massacrant, pillant, brûlant tout ce qu'ils ne pouvaient emporter, et n'ayant jamais songé à former un établissement pas plus à Conques qu'ailleurs. Après les premières émigrations de l'île de Bretagne en Armorique, seconde partie du Ve siècle, les Saxons n'y apparurent plus. Au Ve siècle, comme le dit Maurice, c'est aux Français, disons plus exactement aux Francs, que les Bretons avaient affaire, et Concar combattait avec les Francs. Allons-nous combiner ces deux récits, compléter Dom Maurice par le maire Belot, corriger celui-ci par Dom Maurice ? En ce cas, la révélation de Dom Maurice va rendre le fondateur de Concarneau peu sympathique aux Bretons, même aux Concarnois qui sont de bons et fidèles Bretons. Mais non, ne condamnons pas Concar sur la parole de Dom Maurice et ne le célébrons pas comme fondateur de Concarneau sur le renseignement fourni à Auger. La vérité est que, de 688 à 752, on ne sait rien de la Bretagne. Un maire de Concarneau avait instruit Auger. Un autre maire, nommé Lebeau, renseigna Cambry, venu à Concarneau 20 ans après la publication d'Auger. Or, Lebeau ne parle pas de Concar, mais des Pictes, occupant le site de Concarneau. Cambry trouve ce fait particulier, original. Il se demande où Lebeau l'a trouvé avec les preuves que ce citoyen lui avait promises. Et Cambry n'ayant pas vu ses preuves à, comme il dit, la témérité de ne pas croire aux Pictes. Nous dirons plus loin où le beau a trouvé les Pictes. Mais revenons à Concarre. C'est une faiblesse commune aux fondateurs de villes d'imposer leur nom à leur création. Voyez plutôt Alexandre et Constantin. Les partisans de Concarre, s'il y en a, pourront constater que Concarre a été plus modeste. Jusqu'à la fin du XVe siècle, la ville de Concarneau se nomme Conque, C-O-N-C, Conque, C-O-N-Q, Conque, C-O-N-C-Q. C'est seulement à cette époque, 8 ou 10 siècles après Concarre, qu'on trouve le nom de Conque, devenant Concarneau, dans un mandement de la duchesse Anne, 1489, Concarneoe, dans une lettre au roi d'Angleterre, et enfin Concarneo, dans un portulant de 30 ans postérieur, 1520. L'auteur, un navigateur génois, a remplacé les dernières lettres par la syllabe O. Mais le nom ainsi écrit rend la prononciation qu'il a entendue. C'est, je crois, le plus ancien document où le nom de la ville commence par les 2 syllabes « Concarre ». Mais à la même époque, le mot « conque » sous les formes « conque », « c-o-n-c », « c-o-n-q » et « c-o-n-c-q » prévaut dans la langue officielle. Enfin, avec une faute d'impression ou sous la forme défectueuse « conce », il se retrouve dans l'atlas célèbre préparé par le cosmographe Gérard Mercator, mort en 1594 et que publia Joseph Hunt, 1613. Objectera-t-on qu'un contemporain breton de Mercator et de Hunt, le chanoine Moreau, mort en 1617, écrivait Concarneau ? Oui, ce mot se lit dans son histoire des guerres de la Ligue en Bretagne, imprimée pour la première fois en 1836. Mais lisait-on Concarneau dans le manuscrit de l'auteur ? Moreau a eu pendant 2 siècles et dans le 18e de nombreux copistes. L'un d'eux, corrigeant le manuscrit pour le mettre à la mode nouvelle, n'aura-t-il pas changé Conque ou Concarneau en Concarneau ? Je serais porté à le croire quand, longtemps après la mort de Moreau, je vois couramment employer le nom Concarneau, C-O-N-K-E-R-N-E-A-U, ou Concarneau, C-O-N-Q-U-E-R-N-E-A-U, forme française du mot. Pour finir, remarquons que le vieux nom de Conque est encore d'usage vulgaire en breton. Ce n'est donc pas dans le nom plus ou moins historique de Concarre, c'est dans le nom ancien et usuel de Conque qu'on doit chercher l'étymologie de Concarneau, devenu par corruption, comme disent les grammairiens, Concarneau. Le mot Concarneau se compose des 2 mots Conque, dont nous allons dire la signification, et Kerneau, Kerneov, Kerné, qui veut dire Cornouaille. Concarneau est donc Conque de Cornouaille, comme Conque Léon, aujourd'hui le Conquet, et Conque de Léon. Mais qu'entendre par le mot Conque ? Le père Grégoire de Rostrenen le traduit par grande coquille, Conque. Cette interprétation, née peut-être de la ressemblance des mots, est repoussée par Don Pelletier. Après un long exposé, il traduit conque par coin, pointe. Il se rapproche ainsi du plus ancien dictionnaire breton, le Catholicon, qui ne donne pas conque mais coin, et traduit anglais angulus. Il est permis de rapprocher du Catholicon le dictionnaire de Littré au mot coin. On y lit 13e, 14e, 15e siècle, Calvin et Montaigne, coin. Étymologie, vallon, coinque, provençal, cune, C-U-N-H, con, C-O-N-H, cong, C-O-N-G. Conque, C-O-N-C, ou conque, C-O-N-Q, ne serait-il pas cong ? Et ne veut-il pas dire coin ou pointe, selon Don Pelletier ? Le Gonidec, le colonel Troude, notre savant confrère M. Lott, traduisent coin, pointe. La cause est entendue. Ceux qui tiennent au sens de conque, grande coquille, veulent par extension entendre le mot conque au sens de port ou bassin garni de quais. Ainsi, conque Kerné, conque Léon sont pour les uns le port de Cornouailles, le port de Léon, pour les autres, et j'en suis, le coin de Cornouailles, le coin de Léon. Mais en voilà assez et trop sur le nom et l'étymologie du nom de Concarneau. Dirais-je mon avis, ce n'est pas Concarne qui a donné son nom à la ville, c'est au contraire le nom de Conque qui, rapproché du nom Concarne, a valu à Concarne le titre de fondateur de Concarneau. Cette histoire de Concarne et des Pictes obtenait, semble-t-il, créance à Concarneau vers le temps d'Auger et de Cambry. Du moins, la trouvons-nous consignée dans un mémoire écrit à Concarneau sous ce titre, Essais historiques sur Concarneau et le comté de Cornouailles. Cet ouvrage commence par plusieurs pages empruntées à un manuscrit extrait, dit l'auteur, de la Tour de Londres, contenant les guerres du comté de Cornouailles et un abrégé sur l'idiome celte des Pictes barbares. L'auteur de ce manuscrit est Thomas Carosius, écossais. Les pages traitant des origines de Concarneau sont un véritable roman d'aventure, de guerre et d'amour auquel l'auteur des essais semble attacher une confiance entière. L'auteur des essais dit qu'il a vu des fragments des anciennes annales de Concarneau qu'une personne de considération lui a communiqué, qui paraissent assez confirmer ce que rapporte Thomas Carosius. Il dit aussi qu'un manuscrit marqué au coin de la vérité lui a été confié. Qu'étaient ces anciennes annales de Concarneau et ce manuscrit? Quoi qu'il en soit, le lecteur qui ne les a pas sous les yeux fera à Thomas Carosius moins d'honneur que l'auteur des essais. Voici comme spécimen un résumé très exact des premières pages de Carosius. Alain, oncle de Concarne, s'empare du palais d'Urbien. Asinor, femme de Concarne, se jette aux pieds de son oncle, qui la poignarde. Tirval, officier d'Alain, sauve l'unique enfant de Concarne, Ninis, et la confie à un pêcheur sous le nom de Doréra. Après 50 guerres, Concarne s'adresse à Tirval pour avoir des nouvelles de sa fille. Tirval redemande Doréra au pêcheur, mais celui-ci, pour payer le fisc, l'a vendue à Lézurec, officier de la cour de Gralon, fils d'Alain. Il répond que 3 ans auparavant, le loup l'a emporté. La femme de Tirval, par pure curiosité, recherche quel est l'enfant sauvé par son mari. Alain apprend cette enquête et soupçonne Tirval de trahison, lui fait arracher le cœur qu'il jette à son chien. La femme de Tirval se punit de sa fatale curiosité en se frappant d'un poignard. Alain va reprendre la guerre, 690, mais il meurt d'une hydropisie de poitrine. Concarne profite des embarras que les Francs suscitent à Gralon II pour s'étendre un peu. Il occupe Conque en l'absence des Pictes. Le soir, ceux-ci reviennent du pillage. Concarne les repousse, les poursuit et ramène des prisonniers, au nombre desquels Doréra. Lézurec a pour neveu et pupille Zimar, fils de Tirval. Ces 2 enfants rapprochés par le malheur s'aiment, et pour les séparer, Lézurec a livré Doréra aux Pictes. Concarne ne reconnaît pas sa fille qui a 18 ans. Il se sent pris pour elle d'une sorte d'amitié qui fait place à l'amour le plus vif, et il lui offre son cœur et sa main. Mais celle-ci, gardant sa foi à Zima, repousse son vainqueur. Furieux, Concarne la condamne à mort par le glaive et le feu, dans un lieu nommé l'Enceinte, dit aujourd'hui le Petit Château, à l'endroit où est actuellement l'église paroissiale. Mais à ce moment, les Pictes sont signalés vers la forêt de Cap-Fouénan, au sable blanc. Concarne s'élance à leur rencontre. Au-devant de leurs troupes, un jeune homme se précipite, demandant asile à Concarne qui l'accueille. Doréra est conduite au supplice. Le jeune inconnu se précipite et arrête le bras du bourreau. Il révèle son nom, Zimar, déclare qu'il a eu Lézurec pour tuteur, qu'il aime Doréra, qu'apprenant que Lézurec l'a livré aux Pictes, il a tué Lézurec et s'est mis à la recherche de Doréra. Enfin, il montre des bracelets d'enfant que Doréra lui a remis en gage de son amour. À ces bracelets, sur lesquels sont gravés les chiffres entrelacés de Concarne et d'Asinor, Concarne reconnaît sa fille, il la donne à Zima, il fait de son gendre le premier gouverneur de Concarneau, il part pour aller reconstruire le palais de son père qui est l'Escongar, paroisse de Plouinec. Zimar et Ninis meurent en 706, laissant un fils de 15 ans, Judon, qui sera gouverneur de Concarneau. Concar meurt lui-même comblé de gloire en 725, à 65 ans. Judon vit jusqu'à l'invasion franque en 757. Il est vaincu et tué à Quimperlé, et son successeur paie le tribut aux Francs. De toute cette page, qu'on pourra trouver trop longue, retenons seulement les mots soulignés, le lieu nommé l'enceinte, dit aujourd'hui le petit château. Chapitre 2. Les remparts de Concarneau. J'ai sous les yeux deux documents anciens très instructifs, qui, bien que de dates différentes, se complètent réciproquement. Le plus ancien est une vue de Concarneau, dessinée au milieu du XVIIe siècle. L'autre est un plan de 1764 environ. Il montre l'îlot de Concarneau, le faubourg, la pointe dite de Sainte-Croix et les rivages circonvoisins, jusqu'à 400 ou 500 toises, 800 ou 1000 mètres. On a comparé l'îlot à un ovale, qui serait très irrégulier. On peut aussi bien y voir une sorte de croissant, non moins irrégulier, je l'avoue. Le côté convexe donne premièrement à l'ouest, sur le faubourg dit de Sainte-Croix, route de Quimper. Deuxièmement au nord, sur le fond de la baie. Troisièmement à l'est, sur un canal qui sépare l'îlot du rivage de l'Henriec, route de Quimperlé. À l'ouest et au nord, de la pointe du faubourg de Sainte-Croix au canal vers l'est, tous les sables assèchent à marée basse. Le canal de l'est n'assèche jamais. De temps immémorial, un bac établit la communication avec l'Henriec, de là le nom de passage que nous allons trouver. Le côté concave du croissant forme le port défendu par une jetée attachée à la pointe ouest et ouvert à la pointe est, au voisinage du canal. Le port, comme le canal, n'assèche pas. Le plan donne à l'îlot une longueur de 190 toises, ou 380 mètres, et dans sa plus grande largeur, du sud au mur nord, 111 toises, 222 mètres, la largeur moyenne étant de moins de 50 toises, ou 100 mètres. Le plan dessine l'enceinte murale avec 9 tours de diamètre très divers. Sans tenir compte de la saillie de ces tours, le mur a une longueur de 530 toises, 1060 mètres. Il est percé de 3 portes. Une, la principale, à l'ouest, donnant sur le faubourg. La seconde, à l'opposite, vers l'est, dite porte du passage. La troisième, au nord, dite porte au vin, ouverte au XVIe siècle, mais murée au XVIIe siècle. La porte ouest est distante de 50 toises, 100 mètres, du faubourg. Devant la porte du passage, le canal a de large 70 toises, 140 mètres. En avant de la porte de l'ouest, le plan montre un rocher isolé, puis une chaussée attenante au faubourg. Il marque un pont entre la chaussée et le rocher. Il y en avait un autre entre le rocher et la porte. Le plan ne figure pas un ravelin qu'un plan plus moderne montre sur le rocher entre les deux ponts. C'est vers cette porte qu'étaient les principales défenses, notamment une demi-lune entre deux grosses tours. Ce point était le plus exposé, il est le plus rapproché de la terre ferme. Et comme nous l'avons dit, la grève assèche sous les deux ponts. Enfin, au sud du faubourg, bordant le rivage de l'est à l'ouest, est dessiné un rempart à redans de 420 toises, 840 mètres de long, finissant à un édifice carré, apparemment un corps de garde, situé à la hauteur des roches marines dites la tête de Congre. Passons la porte principale et entrons en ville. À l'intérieur de l'îlot, le plan marque premièrement une rue allant de l'ouest à l'est, de la porte principale à celle du passage. C'est la grande rue. Deuxièmement, deux ruelles venant vers cette grande rue, l'une de la porte au vin et l'autre du rempart entre cette porte et celle du passage. La première de ces ruelles se continue au-delà de la grande rue en une très petite place jusqu'au rempart sud et le port vers le petit château. Un acte que nous étudierons nomme cette voie la petite rue. Dans la partie la plus large de l'îlot, on voit écrit sur le plan le mot « église », mais le plan n'en marque qu'une par une croix à 30 toises au plus d'un tertre, dessinée au voisinage du rempart sud vers le port, sur une longueur de 15 ou 20 toises, 30 ou 40 mètres. Le dessin confirme ces dernières indications. Il nous montre au voisinage du port un tertre sur lequel une maison bâtie, un peu plus vers l'est, une tour qui peut être celle de l'hôpital dont nous parlerons plus loin, et tout auprès une église dont la porte principale, surmontée d'une tour à deux étages, apparaît par-dessus les toits des maisons élevées vers le rempart du passage. J'insiste sur ces dernières indications, on verra bientôt pourquoi. Le dessin montre en plus une chapelle vers l'ouest de l'îlot, c'est la chapelle de Notre-Dame du Portail. Il figure entre la porte au vin et le passage, un moulin à vent. Enfin, vers cet endroit, c'est-à-dire devant la porte au vin, il montre des mâts de navire, comme il en figure dans le port. Je prie d'excuser cet état des lieux si minutieux, il aura du moins l'avantage d'épargner toute explication topographique dans les pages qui vont suivre. À l'aspect de la ceinture murale de Concarneau, la première question posée par la curiosité est celle-ci : à quelle époque remontent ces fortifications ? À cette question, voici trois réponses. Il y a plus de trois siècles, le chanoine Moreau, mort en 1617, écrivait, et sans doute exprimait-il l'opinion de son temps : c'est la reine Anne qui, ayant considéré la belle assiette de cette place, ordonna qu'elle fût fermée de murailles et rendue en l'état où nous la voyons aujourd'hui. Plus de deux siècles après Moreau, le chevalier de Fréminville datait la construction de l'enceinte de 1300 et disait que, ruinée par Du Guesclin, elle en avait été réparée par la duchesse Anne, 120 ans après le siège de 1373. De nos jours, le baron de Courcy a écrit « Quelques parties des fortifications sont fort anciennes et peuvent remonter au XIVe siècle. » Mais aussitôt le savant auteur signale deux constructions attribuées à la reine Anne. Nous y reviendrons plus loin. Nous allons essayer de répondre à cette question de date en nous éclairant de textes que personne ne semble avoir étudiés, mais auparavant une observation. Au XIIe siècle, il n'y avait guère en Bretagne que cinq villes closes de murs en pierre, Rennes, Nantes, Vannes, Alette, qui gardaient leurs enceintes gallo-romaines, et Dinan, qu'un géographe du XIIe siècle montre par exception ceint de murs en pierre. La défense ordinaire des villes était un château ou une tour et des fossés profonds avec des retranchements de terre surmontés de fortes palissades de bois. Mais l'îlot de Conques n'aurait-il pas été fortifié très anciennement à la mode du temps, c'est-à-dire défendu par un château à motte, un donjon? Voilà ce qui donne lieu à cette supposition. La tradition garde souvent le nom de château à l'emplacement de ces donjons, même quand il n'en reste aucune trace. Or, le nom de vieille, vieux château, est donné dans un acte de 1495 à un lieu quelconque de l'îlot. Les essais sur Concarneau, écrits vers 1780, signalent dans l'îlot un lieu dit le petit château. Et aujourd'hui, après 128 ans passés, l'usage maintient le nom de Petit Château à un lieu qui se trouve être le plus élevé de l'îlot, c'est le tertre, marqué au plan. Je ne puis donner ce qui précède que pour une simple hypothèse, qui pourtant semble assez vraisemblable. À cette fortification primitive a succédé, au XIIIe ou XIVe siècle, une ceinture murale en pierre, qui, en 1373, allait résister à un assaut de Du Guesclin. Nous ne tenterons pas de donner la date exacte de la construction. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que cette construction devait sembler nécessaire et qu'elle était plus aisée qu'en beaucoup d'autres lieux. En effet, il n'y avait à creuser ni fossé, ni fondation, le mur étant assis sur le rocher. Enfin, à la fin du XIVe siècle, près de 100 ans avant le siège mis par Du Guesclin devant Conques, nous verrons l'îlot ayant apparence de ville. Et peut-être sera-t-il permis de trouver là l'indice d'une ceinture murale existant dès cette époque. Disons pourtant que pendant la guerre de la Succession, on ne voit pas Concarneau soutenir un siège. Dans le XVe siècle, la ceinture murale de Concarneau a une histoire dont nous dirons quelques épisodes certains, puisqu'ils résultent d'actes authentiques. Le premier de ces actes est un mandement du duc Pierre II de 1451, 80 ans après la prise de Concarneau par Du Guesclin, ce qui ne veut pas dire que dans cet intervalle, les murs n'eussent pas été réparés. Au XVe siècle, il y eut absolue nécessité de réparer en les modifiant, disons mieux, de reconstruire la plupart des enceintes urbaines existant depuis seulement un siècle. Pourquoi ? Parce que le premier coup de canon, on disait alors bombarde, annonça une révolution dans l'art de la guerre. On a dit que ce premier coup de canon fut tiré à Crécy, 1346. Quoi qu'il en soit, la révolution était accomplie 100 ans plus tard. L'usage de l'artillerie était déjà commun et il se perfectionnait. Dans la merveilleuse campagne de Formigny, 1450, les bombardes des frères Bureau avaient fait crouler les murs de Caen et ceux de Cherbourg, réputés imprenables. Il était désormais démontré que les murs construits en petit appareil étaient impuissants à défendre les villes, et on se détermina à construire en pierre de taille. Or, en Bretagne, il y avait beaucoup à faire à cet égard, et cette besogne était urgente dans les places maritimes surtout. Voici pourquoi, alliée de la France, la Bretagne avait largement contribué à chasser les Anglais. Le connétable de Richemont, vainqueur à Formigny, avril 1450, leur avait enlevé la Normandie. 3 ans plus tard, André de Laval, maréchal de l'Oéac, né d'un père breton, était vainqueur avec un contingent breton à Castillon, 17 juillet 1453. La flotte bretonne bloquait Bordeaux, qui capitulait le 17 novembre, et les Anglais abandonnaient la Guyenne. La France était enfin délivrée des envahisseurs. Mais la paix était une paix armée, puisque aucun traité n'était signé. La guerre continuait sur mer, et la Bretagne, plus qu'aucune province de France, était exposée à de cruelles représailles. Il lui fallait donc munir ses places maritimes. Pendant qu'il était comte de Guingamp, le duc Pierre II avait reconstruit les murs de cette ville. Il devint duc le 18 juillet 1450. Au commencement de 1451, il était à Quimper et il ordonnait la reconstruction de sa clôture presque entière. En même temps, par un mandement du 15 mars, il ordonnait des travaux du même genre à Concarneau. Le mandement porte ces mots « en commencer à faire la clôture et fortification de cette place ». Et ces termes n'exagèrent pas le travail à faire. Il a dû s'agir en effet d'une construction presque entière, puisqu'il reste si peu de murs gardant encore le caractère du XIVe siècle. Le 22 septembre 1457, Pierre II mourait. Les travaux de Concarneau étaient loin d'être achevés, et le duc Arthur III s'empressait d'en ordonner la continuation. Nous verrons plus loin que les deux ducs, quand ils ordonnaient et pressaient l'emparement de Concarneau, n'étaient pas déterminés par des considérations exclusivement militaires. L'année suivante, 1458, le duc Arthur nomme capitaine de Concarneau un de ses chambellans, Jean de Rohan, seigneur du Gué de Lille, etc. Et il meurt le 23 décembre. Les Anglais menacent, le capitaine trouve ses défenses insuffisantes et il obtint du duc François II, successeur d'Arthur, de nouveaux travaux qui vont durer 2 années, 1467-69. Le 8 janvier 1470, Jehan du Drennay, sénéchal de Cornouailles, à ceux commis par le duc, certifie la solidité des travaux exécutés. Un peu plus tard, d'autres travaux sont entrepris. Ils sont terminés avant le 28 mai 1476, jour où Henri Dujuche, seigneur de Pratt-en-Roux, capitaine de Quimper, Jehan Hayet, sénéchal de Cornouailles, Jehan du Drennay et autres reconnaissent que le tiers du droit de Billon a été employé au parachèvement de la fortification de Conques, les 2 autres tiers ayant été employés à l'emparement de Quimper. Remarquez plus haut le mot « parachèvement ». Il semble indiquer que tout est fait. Pourtant, l'année suivante, François II ordonne la construction d'un boulevard. Ce mot se prenait alors au sens de bastion. Il recommande à Jean de Rohan, encore capitaine de Conques, assisté d'Yvon de Tréhana et de Henri de Quélin, de se tenir là pour achever le travail au plus vite. Les tours de Concarneau semblaient, à ce qu'il paraît, un modèle. En 1494, la communauté de Quimper bâtissait une tour et elle recommandait à son miseur de faire une charpente et une couverture semblables à celles des tours de Conques. Le miseur prétend faire autrement, sans doute mieux, et le compte présenté par lui dépasse le devis de 300 livres, 3 600 francs. Le miseur demande qu'il lui soit fait raison de la somptuosité de sa tour, dont il paraît si fier, mais qu'il a, je crois, payée. Voici des dates précises. 1451, 1467-69, 1476, 1477. Postérieurement, nous ne trouvons aucun mentement ou compte relatif aux fortifications de Concarneau. Or, François II avait encore devant lui, après 1477, 11 ans de règne. D'après les indications ci-dessus, c'est à lui que serait dû l'achèvement de la ceinture murale de Concarneau. Ces renseignements authentiques démentent le chanoine Moreau attribuant la construction des murs à la duchesse Anne et le chevalier de Fréminville montrant les murs construits en 1300, ruinés en 1373, réparés ou réédifiés par la duchesse Anne. Mais ils permettent d'admettre l'attribution à la reine Anne de ce bastion d'un plus grand diamètre que les autres tours et de la citerne située dans l'une des tours dont la voûte est soutenue par un pilier s'évasant en forme de cône renversé. Ces fortifications que nous voyons aujourd'hui ont été décrites un peu sommairement par le chanoine Moreau et bien mieux, un siècle après lui, par un voyageur qui visita Concarneau ou comme il dit Concarneau en 1636. Je l'ai nommé plus haut, mais il nous fournira de curieux et très exacts renseignements. Il nous faut donc le faire connaître au lecteur. Dubuissy Aubenay, militaire, diplomate, collectionneur, érudit et curieux en toutes choses, avait parcouru une grande partie de l'Europe, mais il ne connaissait pas la Bretagne. Il y vint en 1636. Il accompagnait comme gentilhomme d'escorte Jean d'Étampes Valençay, président au Grand Conseil, commissaire du roi aux États qui allait s'ouvrir à Nantes. Dubuisson ne manqua pas l'occasion de faire son tour de Bretagne. Il a décrit son itinéraire et nous y trouvons cette description des murs de Concarneau. La ville est bien ceinte de murailles, de larges pierres à gros grains, à tours, bastions et fers à cheval, et un gros donjon à la porte de terre, servant de réduit et de demeure au lieutenant du gouverneur. La place est assez bonne, les murailles, toutes à mâchicoulis, fort épaisses, fort hautes et malaisées à escalader. Il y a force terrain par derrière. Une poterne y donne entrée, vers l'est, aux passagers du canal, une autre, du côté de terre opposite et à l'ouest, est toujours ouverte. Une troisième, au nord, dite la porte au vin, est murée. Une grosse tour, qui sert de réduit ou donjon, accompagné d'une autre tour dite des munitions, flanque et défend la porte de terre ou d'ouest. Au sud, un môle rompt les houles et coups de mer et conserve, protège, une longue courtine en arc entre deux tours ou plateformes. Mais du côté de l'est, un coteau voisin, au-dessus du canal, à la porte du Mousquet, commande la ville tout à fait. On la peut battre aussi de 300 pas et du côté du sud et du côté du nord quand la mer est retirée en roulant les canons sur la vase. Il y a dans la place citernes et puits d'eau douce et entre autres une citerne dans le donjon ou réduit du gouverneur. Ces fortifications, admirées au commencement du XVIIe siècle, allaient bientôt avoir le sort qu'avaient eu les fortifications antérieures. Elles allaient être insuffisantes, l'attaque étant encore une fois devenue supérieure à la défense. Mais Vauban allait venir. Nous aurons l'occasion de parler des travaux exécutés par Vauban. Il suffit de dire ici que le rempart signalé au faubourg le long du rivage, à partir de la pointe Ténéroff, le ravelin sur le rocher au bout de la chaussée à l'ouest, la demi-lune entre les deux grosses tours défendant la porte voisine, les ouvrages qui défendent la porte du passage, sans parler de certaines réfections, sont l'œuvre de l'illustre ingénieur. La ville a consacré ce souvenir en donnant à la rue principale, on peut presque dire unique, qui va de l'une à l'autre porte, le nom de rue Vauban.